إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله عز وجل خلق الخلق وأتقنه، ودبر ما خلقه فقدره، والله عز وجل جعل الليل والنهار آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، يغشي الليل النهار ويكور النهار على الليل بمقدار يعلمه سبحانه، وجعل الليل بعد إدبار النهار آية من آيات الله الدالة على وحدانيته. قال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أقسم الله عز وجل بولوجه على النهار شيئا فشيئا من غير إفزاع للبشر. قال تعالى: والليل إذا عسعس. وأقسم به عز وجل إذا غشي الشمس حين تغيب، والليل إذا يغشاها، وإذا غطى الخلائق بظلامه، والليل إذا يغشى. وهو آية، أي الليل، ترى بالأبصار وتدعو إلى عظمة الله وإفراده. قال عز وجل: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ورحمة من رحمته على عباده، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. وتقليب الليل والنهار برهان على قوته سبحانه وتعالى وإحكام ملكه، وبين عجز الخلائق جميعا على أن يحولوا الليل نهارا. فقال عز وجل: أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وتدبيره عز وجل له بتقدير يجهله البشر، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. شيخ مسلم ومسلمان، الله عز وجل a créé les créatures d'une façon parfaite et d'une façon minutieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble de ses créatures à juste mesure. Il a créé les cieux et la terre et les a embellis. Et il a fait subhanahu wa ta'ala de la succession de la nuit et du jour des signes de son immensité subhanahu wa ta'ala et des signes de sa seigneurie azza wa jal. Il dit azza wa jal: et une preuve pour eux est la nuit, nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Allah azza wa jal a juré à plusieurs reprises dans son noble livre que la nuit pénètre le jour. Et cette pénétration de la nuit dans le jour se fait de façon graduelle afin de ne pas faire peur aux créatures. Il dit Azza wa Jal dans Surat At-Takwir: par la nuit quand elle survient. Allah Azza wa Jal jure également par la nuit lorsqu'elle enveloppe le jour. Wal-layl idha yaghshaha, par la nuit quand elle l'enveloppe. Et la nuit, chers musulmans et musulmanes, est un des signes d'Allah Azza wa Jal qui peut être observé à l'œil nu, un signe qui appelle à l'immensité d'Allah Azzawajal et qui doit faire en sorte que chacun se soumette au Seigneur de l'univers Azzawajal. Il dit Subhanah, n'as-tu pas vu comment Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et comment il fait pénétrer le jour dans la nuit? Cette nuit est également une miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs. Il dit Subhanahu wa ta'ala, c'est par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez. Et il y a sans aucun doute dans la succession de la nuit et du jour un signe de la force d'Allah Azzawajal. Et cela nous montre comment Allah Azzawajal gère son univers. Et Allah Azzawajal, dans son noble livre, nous montre la faiblesse de ses créatures, toutes ses créatures. Et il est défi, subhanahu wa ta'ala, de changer la nuit par le jour. Il dit Azzawajal, dans Sourate Al-Qasas, les histoires, le verset 71, dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence, si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? Aucune autre divinité, aucune créature ne peut changer la nuit par le jour. Le seul qui en a le pouvoir, le seul qui en a la capacité, est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal détermine la nuit et le jour d'une façon parfaite et d'une mesure qu'il est le seul à connaître subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, Allah détermine la nuit et le jour. والتفكر في تدبيره يدعو إلى عبادة الله وذكره وشكره. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وهو منة من الله أمر عباده أن يشكروه عليها. قال عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال عز وجل ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآية الليل داع إلى الإيمان، داع إلى إيمان العباد بربهم عز وجل. وفي الليل يتثاقل أهل النفاق عن الطاعة، فأثقل صلاة عليهم صلاة العشاء والفجر، وهو زمن التعبد. النافلة فيه أفضل من نافلة النهار، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وتعلق القلوب فيه بالله أرجى، فأمر الله رسوله بالإكثار من الصلاة والتسبيح فيه، قال عز وجل قم الليل إلا قليلا، وقال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واقتفى الصالحون أثره عليه الصلاة والسلام، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الليل صلاة الوتر، والله وتر ويحب الوتر، وصلاة آخر الليل مشهودة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال عليه الصلاة والسلام وفي الليل ساعة من مغيب الشمس لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، رواه مسلم. وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهو زمن أي الليل ترجى فيه توبة التائبين. نزلت توبة الذين خلفوا في الثلث الأخير من الليل، رواه البخاري. Chers musulmans et musulmanes, sachez également que le fait de méditer dans l'administration d'Allah Azzawajal des cieux et de la terre, et notamment dans la création du jour et de la nuit, cette réflexion doit amener à l'adoration d'Allah Azzawajal, à l'évocation du nom d'Allah et au fait de lui être reconnaissant. Il dit Azzawajal, c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir et montrer sa reconnaissance. La nuit est un bienfait d'Allah Azzawajal et il ordonne à ses serviteurs d'être reconnaissant envers lui Azzawajal pour ce bienfait. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah a créé pour vous la nuit afin que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah accorde des mérites aux gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Le fait de méditer dans la nuit et dans le jour doit amener les serviteurs à accroître leur foi en leur Seigneur. Subhanahu wa ta'ala, il dit Azza wa Jal, n'ont-ils pas vu comment nous avons fait de la nuit un moment dans lequel ils se reposent, et le jour un moment dans lequel ils y voient clair. Il y a certes ici des signes pour un peuple qui croit. La nuit est lourde pour les hypocrites qui, lorsque la nuit tombe, ressentent la lourdeur des adorations d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont les prières de l'Isha et du Fajr. Or, c'est un moment dans lequel le musulman se doit d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Les prières surérogatoires de nuit sont meilleures que les prières surérogatoires de jour. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit, rapportée par Muslim. Et c'est pendant la nuit que le cœur du serviteur s'attache le plus à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pendant la nuit que le serviteur place sa confiance et espère la récompense d'Allah azza wa jal. Ainsi Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de multiplier les prières, de multiplier les glorifications pendant la nuit. Il dit azza wa jal, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie la nuit, sauf une partie de celle-ci. Et il lui dit aussi subhanahu wa ta'ala, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Et les vertueux et les pieux de cette communauté ont pris comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nos pieux prédécesseurs dormaient peu la nuit. Durant la nuit, il y a la prière du witr. Et Allah Azza wa Jal est un père et il aime l'impair. Il y a des témoins qui témoignent particulièrement de ceux qui accomplissent la prière de nuit. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que celui qui accomplit la prière de l'Isha en groupe, cela revient à avoir prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière du Fajr en groupe, cela revient à avoir accompli la prière pendant toute la nuit. Et il y a dans la nuit un moment, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce moment coïncide avec l'invocation du musulman, eh bien Allah Azza wa Jal lui exaucera son invocation. Et sachez que durant le dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal descend dans le ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui me demande le pardon afin que je lui accorde celui-ci ?» Et durant le dernier tiers de la nuit, c'est le moment propice dans lequel le musulman peut espérer qu'Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Et sachez que les trois parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient abstenus de combattre à ses côtés sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont préféré rester à Médine, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est revenu, et qui les a mis en quarantaine, jusqu'à ce que leur cœur et ce que leur poitrine s'apprêtaient à se rétrécir, Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir depuis au-dessus des sept cieux, et ce repentir a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le dernier tiers de la nuit, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari. وفي صلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار والقرآن نزل ليلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وأفضل زمن لتلاوة القرآن هو الليل قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وفي الليل ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا وفي الليل تطوى الأرض للمسافر والليل بظلامه مفزع لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي كفتاه من الشرور متفق عليه وفي أول الليل تنتشر الشياطين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أي أوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان أي بجعل الصبيان في بيوتهم وبعدم السماح لهم بالخروج فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم أي اتركوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنوم أيها المسلمون من نعم الله الجسيمة يحتاجه الغني والفقير وبفضل الله عز وجل جعله يسيرا في كل مكان ويناله كل مخلوق بلا ثمن ليس بمتاع يحمله المسافر فيجهد ولا بذي ثمن يفقد الفقير ثمنه فيحزن ولا ذي عرض يعجز الضعيف والصغير عن نقله تغمد العينان فترتفع الروح فينال الجسد الراحة والسكون قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وهو آية من آيات الله العظيمة الدالة على قوته وجبروته عز وجل قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار والله عز وجل يميت البشر بالنوم ثم يوقظهم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى قضى عز وجل أن تكون نومة أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9 فكان ما شاء وهو سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل رواه مسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que durant la prière du Fajr, les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent. Et sachez que le Coran a été révélé de nuit. Il dit subhanahu wa ta'ala, nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie. Et le meilleur moment pour la lecture du Coran est sans aucun doute la nuit. Il dit Azza wa Jal, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice à la récitation. Et il y a la nuit du Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait l'ascension de nuit. Et sachez également que Allah Azza wa Jal fait en sorte que le trajet du voyageur se voit raccourcir pendant la nuit. Et durant la nuit, les gens sont pris de peur. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah, elles lui suffiront. C'est-à-dire, elles lui suffiront pour le protéger de tout mal. Au début de la nuit, les diables se dispersent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne ainsi, lorsque la nuit commence, de retenir nos enfants, c'est-à-dire de ne pas les laisser sortir, mais de les retenir dans les maisons. Puis, lorsqu'un laps de temps de la nuit s'est écoulé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous autorise de les laisser, comme cela est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le sommeil est un bienfait immense d'Allah Azza wa Jal. Le sommeil dont a besoin le riche comme le pauvre. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le sommeil soit possible en tout lieu et que chaque créature puisse dormir sans contrepartie. Le sommeil n'est donc pas une marchandise que se doit de transporter le voyageur, ce qui le fatiguerait. Allah Azza wa Jalla fait en sorte que le sommeil ne s'achète pas de telle sorte que le pauvre qui n'a pas les moyens soit privé. Pour dormir, il suffit de fermer ses yeux et c'est alors que l'âme s'élève. Et c'est alors que le corps se repose. Allah Azza wa Jalla dit, et nous avons désigné votre sommeil pour votre repos. Et le sommeil est un des signes immenses d'Allah Azza wa Jal, qui prouve sa force et sa suprématie subhanahu wa ta'ala. Il dit, et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour. Allah Azza wa Jal fait mourir ses serviteurs par le sommeil, puis il réveille de ce sommeil qui il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a décrété que le sommeil des gens de la caverne allait durer 309 années. Et il a effectivement duré 309 années. Allah Azza wa Jal est le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allah Azza wa Jal n'est pris ni de somnolence, ni de sommeil, subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne dort pas et il ne lui appartient pas de dormir. Rawahu Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursaleen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الشيطان يتخبط العبد في منامه يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي قبل نومه لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح رواه البخاري ولا تشريع بالمنامات والرؤية الصالحة في النوم من الله والحلم من الشيطان قال عليه الصلاة والسلام فمن رأى رؤيا صالحة فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب ومن رأى حلما من الشيطان فليبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره رواه البخاري ومسلم والنوم قسيم الموت ويذكر به. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكم من نائم مات في نومته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في نومه كما في الصحيحين كان يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أمسكت نفسي فارحمها. وإذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، وإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والاستيقاظ بعد النوم نعمة من الله تشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ودعوة المستيقظ من الليل مع الذكر مستجابة وصلاته مقبولة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ومن تعار من الليل، أي ومن استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومن نام ولم يستيقظ للصلاة حتى يصبح فإن الشيطان بال في أذنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ومن استيقظ من نومه فليذكر الله وليغسل يديه 3 وليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والسعيد من تفكر في خلق الأرض والسماوات واغتنم أنفس دهره بالقربات ودخل في ليله وخرج منه بالأعمال الصالحات. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le diable dérange le serviteur durant son sommeil. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui récite le verset du repose-pied Ayatul Kursi avant de dormir, Allah azza wa jal ne cessera de le protéger et le diable ne l'approchera pas jusqu'au matin. Sachez qu'aucun jugement juridique ne peut découler d'un rêve quel qu'il soit. Les rêves pieux durant le sommeil proviennent d'Allah. Quant au cauchemar, il provient du diable. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui d'entre vous qui voit un rêve pieux, qu'il remercie Allah azza wa jal pour celui-ci et qu'il le raconte à celui qu'il aime. Quant à celui qui voit un cauchemar, qu'il sache qu'il provient du diable, qu'il postillonne alors sur sa gauche 3 reprises et qu'il demande la protection d'Allah contre ce cauchemar, et qu'il change de côté, s'il dormait sur le côté droit, qu'il se mette sur le côté gauche, s'il dormait sur le côté gauche, qu'il se mette sur le côté droit, et qu'il n'en parle à personne. En faisant cela, ce cauchemar ne lui apportera aucun préjudice, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sachez que le sommeil est une partie de la mort. Et le sommeil, doit nous faire rappeler la mort. Il dit subhanahu wa ta'ala: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Et combien de personnes se sont endormies et sont mortes pendant leur sommeil, car Allah azza wa jal n'a pas donné l'autorisation à leur âme de retourner dans leur corps. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses invocations avant de dormir, il disait: oh Allah, et si tu gardes mon âme, c'est-à-dire auprès de toi, alors fais-lui miséricorde. Lorsque le serviteur dort, le diable vient au niveau de sa nuque et fait 3 nœuds. À chaque nœud qu'il fait, il dit, devant toi, il y a une nuit longue d'or. Devant toi, il y a une nuit longue d'or. Devant toi, il y a une nuit longue d'or. Lorsque le serviteur se réveille et qu'il évoque le nom d'Allah, un nœud se défait. Lorsqu'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se défait. Et lorsqu'il prie, l'ensemble des nœuds se défont. Puis cet homme, ce serviteur, sera vif et connaîtra une vitalité et une vivacité durant sa journée. Quant à celui qui ne fait pas ainsi, eh bien, il se sentira mauvais. Il se sentira mauvais et il fera preuve de fainéantise. Le fait de se réveiller après le sommeil est un bienfait d'Allah Azzawajal que l'on doit remercier. Allah Azzawajal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait, disait « Alhamdulillah, la louange appartient à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait, après nous avoir donné la mort et c'est vers lui que nous retournerons. » L'invocation de celui qui se réveille la nuit en évoquant le nom d'Allah Azzawajal est exaucé et sa prière est acceptée. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari, celui qui se réveille de nuit, puis dit, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, sans ne rien lui associer, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. La louange appartient à Allah, qu'Allah soit glorifié. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Puis il dit, oh Allah, pardonne-moi, ou invoque, sans qu'Allah Azzawajal n'exauce son invocation. Et s'il fait ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Celui qui dort et ne se réveille jusqu'à ce que le soleil se soit levé, le diable aura alors uriné dans ses oreilles, comme nous l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se réveillait de son sommeil, sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait son siwak. Celui qui se réveille de son sommeil et évoque Allah azawajal, qu'il lave ses mains à 3 reprises, et qu'il lave ses narines à 3 reprises, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe dans un hadith authentique, que le diable passe la nuit dans les narines de l'être humain. Et pour finir, sachez que l'heureux, le joyeux est celui qui médite et fait preuve de réflexion dans la création des cieux et de la terre, dans la création du jour et de la nuit, dans l'alternance du jour et de la nuit, et qui profite de chacune des secondes de son temps de vie pour se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la nuit entre, ou lorsqu'elle sort, il est en état d'adoration à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu azza wa jal, an yufaqihana fi dinina, wa an yu'allimana ma jahinna, wa an yaj'alana min alladhina yatafakkaruna fi ala'ih, ana al-layl wa atraf al-nahar. Allahumma aghfir lana ma qaddamna wa ma akharna, وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين، يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.